La fibre de SFR débarque chez Monsieur Ultra Rapide. Ah, vous savez, nous, on aime quand ça va vite, et avec la fibre à la maison, ça va très vite. Je stream mes séries avant tout le monde, mon fils est le plus rapide sur les jeux en ligne, ma femme écoute de la musique en supersonique, je stream des séries, mais ça, j'ai déjà dit. Ah, et on peut aussi télécharger. C'est le moment de passer à la vitesse de la fibre. Jusqu'au 27 avril, la fibre de SFR est à seulement 15 euros par mois pendant un an, puis 38 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 euros. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'ordre du Temple solaire. Entre octobre 1994 et mars 1997, 74 personnes meurent en Suisse, en France et au Canada. Elles appartenaient toutes à une secte, l'ordre du Temple solaire. Dans le genre, ce drame est sans doute l'un des plus traumatisants qu'ait connu la France. Une histoire dramatique par son bilan humain, aussi parce que, 20 ans après, la vérité n'est toujours pas établie et la principale question subsiste. S'agit-il de suicide collectif ou d'assassinat, de mise à mort rituelle ou d'un complot politico-mafieux? Et c'est précisément cette absence de réponse qui entretient le malaise, aujourd'hui encore. En seconde partie d'émission, nous recevrons Serge Faubert, journaliste qui a notamment écrit le livre « Une secte au cœur de la République », un ouvrage dans lequel il enquête sur l'église de Scientologie et son influence jusque dans les plus hautes sphères de l'État. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonob, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, coordination Christophe Barrère, reportage Geller Van Wimersch, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Jérôme Chélius et Coyen Guyen, à la technique aujourd'hui Lucas Vaillant, Jean-Noël Vélan. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Homme, ne pleurez pas sur notre sort, mais pleurez sur le vôtre. Écoutez. Notre transit n'est en rien un suicide au sens humain du terme. Écoutez. Mais derrière, il y a autre chose, de plus ésotérique et tout. Alors je dis, ah bon, et tout ça. Alors. Denise Lagrange. Je n'osais pas non plus poser trop de questions. Ancienne adepte du Temple solaire. Et il me dit, mais si tu veux, tu restes demain soir à la fin du séminaire avec nous et tu comprendras. À tous ces salopards, donc, je veux dire à quel point je les méprise. Les corps de 16 membres de la secte de l'Ordre du Temple solaire, dont 3 enfants, ont été retrouvés calcinés. La quintessence de la conscience humaine. Écoutez. À ses disciples, il avait promis la fin du monde, il a tenu parole. C'est vrai. Écoutez. 50 hommes, femmes et enfants sont morts hier en Suisse et au Canada, dans 3 maisons volontairement livrées aux flammes par leur maître, leur gourou. La grande loge blanche de Sirius. J'appelle. Luc Jouret prophétisait la fin du monde. Non. Il expliquait avoir eu la révélation par l'homéopathie. Du jour. Messieurs les gourous, messieurs les chevaliers de je ne sais quoi, vous êtes des criminels. Je trace un cercle de protection autour de cette sainte assemblée. Notre histoire commence au milieu des années 90, mais le drame de la secte du Temple solaire s'inscrit dans un contexte particulier, celui de la mutation et de la diversification des mouvements religieux et sectaires à partir des années 60 et 70. Baisse de la fréquentation des églises traditionnelles, désenchantement du monde, effondrement des idéologies, de nouveaux mouvements spirituels émergent. Ces groupes vont alors se structurer, séduire, attirer, fédérer autour de nouvelles thématiques écologistes, communautaires, mêlant bien-être et spiritualité. C'est souvent le point de départ, avant la dérive sectaire, enrobée d'ésotérisme. C'est dans ce terreau que pousse et se forme le mouvement du Temple solaire. À travers cet épisode tragique, la France découvre un monde qu'elle a longtemps tenu éloigné, celui des sectes, des sociétés secrètes, de leur emprise et de leurs conséquences, parfois terribles. Jusqu'ici, ce type de drame s'inscrivait dans la rubrique « faits divers lointains » et qu'on ne comprenait pas bien. Bien sûr, les Français avaient en mémoire les tragédies de Guyana en 1978 où 914 membres du Temple et du Peuple se sont donné la mort. Plus proche d'eux, le drame de Waco, au Texas, en 1993, 72 adeptes davidiens avaient péri dans l'incendie de leur ferme assiégée par la police. Mais c'était loin, de l'autre côté de l'Atlantique. Comment la France, qui a érigé la laïcité comme socle de sa construction nationale, pourrait être touchée, elle, par ses dérives plus que communautaires ? Eh bien, le phénomène sectaire et ses dangers existent bel et bien dans ce pays. Alors, comment appréhender ces phénomènes qui oscillent souvent entre séduction idéologique et arnaque financière ? Il aura fallu ce drame de l'ordre du Temple solaire pour que les pouvoirs publics et la justice prennent réellement la dimension du problème. Et puis surtout, 74 morts sans coupable, ça déclenche une réaction, pour le moins. Messieurs les gourous, écoutez. Messieurs les chevaliers de je ne sais quoi, à tous ces salopards donc, vous êtes des criminels. Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1994, des journalistes français, suisses, allemands, italiens sont réveillés par leur rédaction. Ils doivent se rendre, au plus vite, à Chéry, une petite commune du canton de Fribourg, en Suisse. On a découvert des cadavres au milieu de bâtiments en flammes. Arrivé sur les lieux, c'est le choc. Au sol, 23 corps, enroulés d'un drap blanc, jonchent l'herbe cendrée d'une ferme détruite. Ces 23 cadavres ne sont pas les seuls. 25 autres gisent dans un autre canton suisse, à Granges-sur-Salvent, au milieu des débris de trois chalets, eux aussi incendiés. Les témoignages des premières personnes sur place traduisent l'incompréhension et l'effroi. J'étais sur place, il y a eu un premier cadavre, qui était celui du patron, qui l'a retrouvé sur son lit, qui avait une balle dans le crâne, et puis un sac à poubelle sur la tête. C'est ce qui a mis un petit peu le... Les pompiers, les policiers en émoi se sont dit, ben là, il se passe quelque chose de pas normal. Et puis, c'est seulement à 5 heures du matin qu'ils ont enfoncé la porte du garage, qui est un sous-sol. Et c'est là derrière qu'il y avait une salle, une grande salle de conférence, tout en tapis rouge. Il y avait la photo du Christ, il y avait la Bible, il y avait la rose. Et puis, derrière cette salle, il y avait deux autres compartiments. Dans une, il y avait 12 cadavres et dans l'autre 10. On sait qu'il y en a plusieurs qui ont été tués par balle et ces gens étaient couchés sur le dos et avaient un sac de plastique sur la tête. Les uns avaient une tunique rouge, les femmes plutôt une tunique or et il n'y avait pas d'enfants. Puis les autres, il semblerait que ce qu'ils ont été empoisonnés, donc c'est collectif, c'est voulu. Et tout était prêt, donc ils avaient relié le téléphone à des bonbonnes de gaz, ils avaient mis des bonbonnes de gaz un peu partout, ça devait exploser normalement, quelque chose n'a pas joué. Rapidement, le lien est établi avec un événement qui a eu lieu un peu plus tôt à des milliers de kilomètres au Canada. La police avait retrouvé 5 corps dans une maison en feu à Maureen Heights. Là encore, la description des scènes de crime et du mode opératoire avait laissé sans voix. Les cadavres présentaient plus d'une cinquantaine de traces de coups de couteau. Parmi les victimes, un enfant de 3 ans retrouvé dans un sac poubelle, un pieu planté dans le cœur. En Suisse, le procureur chargé de l'enquête, André Piller, déclare que ces 55 personnes, dont des enfants, appartiennent à une secte jusque-là inconnue, l'Ordre du Temple solaire. Mais quelle est donc cette secte ? Qui sont les responsables de ces massacres ? Quel est le mobile ? Écoutez. Très vite, le procureur lance un avis de recherche international concernant 2 suspects, Joseph Dimambro et Luc Jouret. Dimambro, septuagénaire, plutôt petit et rondouillard, est à l'origine un horloger bijoutier de Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Il se passionne très jeune pour l'occultisme et commence à rejoindre des mouvances comme l'AMORC, A-M-O-R-C, ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, un mouvement ésotérique. Mais il veut aller plus loin, créer son propre groupe et vivre en communauté avec ses adeptes. Il fonde alors une première association à Annemasse en 1974, le Centre de Préparation à l'Âge Nouveau, puis une société civile immobilière, la Pyramide. Enfin, en 1978, il lance la Golden Way à Genève, une sorte de centre culturel qui repose sur des principes écologistes et communautaires, un truc un peu vague, dont lui seul comprend le sens. C'est au sein de la Golden Way que Joseph Dimambro rencontre Luc Jouret, précisément. Luc Jouret. Médecin homéopathe belge, genre séducteur. Jouret donne des conférences dans les années 80 qui séduisent pas mal de monde, effectivement. Le thème mélange bien-être, écologie, médecine douce, un syncrétisme qui va apporter Jouret à Dimambro une forme de légitimité idéologique. Écoutons 2 extraits de ses conférences. Ce que je fais, et là c'est ma démarche d'homéopathe qui me sert, après avoir étudié le jeu des forces vitales, de la vie comme telle, j'essaie de décoder ce que j'appelle l'histoire du patient, intégrer sa dimension biologique, sa dimension de son corps physique, avec la dimension de son corps émotionnel, de son corps mental et éventuellement de son corps spirituel. C'est un tout extrêmement pratique. Donc j'essaie de décoder, fort de la connaissance des lois vitales que j'ai étudiées et que je mets en pratique dans cette thérapie globale, j'essaie de découvrir l'origine du processus morbide. Il y a deux façons de manger ce poulet. Il y a une façon de l'ingurgiter de façon non consciente, c'est ce problème qu'on soulevait tout à l'heure, ou bien ce que nous allons faire, nous allons le manger dans la joie, mais en étant conscient que nous transmutons une forme de vie dans une autre, hein, qui est la nôtre, hein, qui est une forme de vie supérieure. Hein, hein. Petit à petit, les deux hommes vont vouloir passer à autre chose. Fini l'amélioration personnelle, place à l'ésotérisme. Peu à peu, l'idée de créer un véritable ordre templier voit le jour. Il se tourne alors vers l'ordre rénové du temple, secte en perte de vitesse après la disparition de son fondateur Julien Origas. Le charme de Jouret opère. Avec son acolyte dit Mambro, il reprend de nombreux fondements de l'organisation et séduit des adeptes. C'est l'acte fondateur de l'ordre du Temple solaire, une organisation qui serait le lointain prolongement de l'ordre des Templiers, créé au XIIe siècle, massacreur de musulmans en Terre Sainte et finalement éradiqué avec la délicatesse qu'on imagine par le roi Philippe le Bel qui considérait l'ordre comme un état dans l'état, donc dangereux et surtout très riche, trop riche. L'ordre du Temple solaire est donc lancé. Dans le rôle du gourou, Johnny Mambro. Dans le rôle du recruteur, Luc Jouret. Le premier anime et dirige la communauté, le second séduit les futurs adeptes. C'est le temps des premières cérémonies et de la construction du discours ésotérique. Red and green was the color of her dress manipulation. Pale blue was the color of her eyes manipulation. Yellow, yellow was her hair. Orange sunburst, red hot glow. Manipulation. Manipulation. When you can feel her madness, she will call you out. Watch out for her dark side. You soon will figure out to run on. She's draining you, and she's got you, doesn't she? Red and green was the color of the ground manipulation. The color of the steel manipulation. Yellow, yellow was her hair. Icy gray was her glare. Manipulation. Manipulation. Le soir, souvent très tard, a lieu le grand rituel. Les fidèles se réunissent en demi-cercle, attendent le grand maître, une divinité de pacotille et de circonstances, avec laquelle Dimambro doit communiquer. Des hologrammes surgissent, des effets lumineux et musicaux se déclenchent, et puis le maître apparaît, enveloppé de sa cape et de son épée. Dimambro commence à communiquer avec lui dans un langage incompréhensible. Ce grand maître n'est autre que la femme de Dimambro. L'acmé de ces rituels est sans doute la naissance de l'enfant cosmique. Un jour, Dimambro annonce à ses fidèles que Dominique Bellaton, une fidèle, va être fécondée par Dieu et que cet enfant sera le nouveau Christ, l'enfant cosmique. C'est une parthénogenèse partie, en quelque sorte. Pour l'événement, Dimambro organise une cérémonie dans le sanctuaire. Il appose une épée sur la gorge de Dominique Bellaton. Un éclair jaillit, stupeur chez les adeptes. Le gourou vient d'exercer son pouvoir de théogamie. Dominique Bellaton n'est autre que la maîtresse de Dimambro. Elle est enceinte, il le sait, elle fera parfaitement l'affaire. Les effets lumineux et autres hologrammes ne sont évidemment que des tours de magie, de funestes farces et attrapes. Pourtant, l'influence de Dimambro croît et Jouret continue de séduire et de recruter. La secte s'étend à l'international et le discours, lui, évolue. C'est à partir de l'homéopathie que j'ai commencé à chercher ce côté sublime de l'homme qui est en chacun d'entre nous. On a tous le pressentiment qu'il y a une dimension transcendante qui est au-delà de nos petites contingences humaines qui peuvent ou nous égarer ou nous révéler la quintessence de la conscience humaine. Je dis que nous vivons un moment fabuleux sur l'histoire de notre planète et de notre humanité parce que nous y sommes. C'est l'heure de la révélation, c'est l'heure de l'apocalypse. Voilà pour l'habillage idéologique et ésotérique de l'ordre du Temple solaire. Mais il y a une face beaucoup plus rationnelle à cette affaire, car cette organisation est un projet juteux. Les mécènes sont au rendez-vous. Parmi les adeptes, on compte de nombreux notables, propriétaires, industriels. L'un d'eux sort du lot. Camille Pillet, directeur de la grande maison horlogère Piaget, à la tête d'une fortune considérable. Il ira jusqu'à investir 40 millions de francs dans l'OTS. Oui, 40 millions de francs. Ce que ne savent pas les fidèles, c'est que Jouret et Dimambro détournent l'argent et les dons. Ils investissent le tout dans des propriétés, des entreprises fictives à travers le monde, Canada, Suisse, Australie. Et puis ils vivent comme des princes, forcément. Hôtel de luxe, villa, belle voiture. Ils ne se refusent rien. Voyage en Égypte et en Australie pour aller, ça va de soi, à la rencontre des premiers hommes et autres fadaises qui se traduisent en espèces sonnantes et trébuchantes. Or, au début des années 90 et au fil des mois, la cohésion de l'OTS est mise en cause. Certains fidèles évoquent la mégalomanie, les supercheries et les malversations des chefs. Ils découvrent les effets bidons de leur gourou. Plusieurs adeptes commencent à se demander où passe tout l'argent qu'ils donnent. Les deux hommes sentent que la secte leur échappe. Et puis surtout, la justice est à leur trousse. En 1993, la police canadienne suspecte Luc Jouret de trafic d'armes pendant qu'Interpol suit de près Dimambro en Australie pour des transferts d'argent frauduleux. Petit à petit, le changement de discours s'affirme. Fini l'écologie, la renaissance de l'homme nouveau et le partage. Direction la mort, le départ, l'apocalypse. On commence à parler de transit vers Sirius, la plus brillante des étoiles. Le passage vers l'au-delà. La mécanique macabre se met en place. Écoutez. Le 24 septembre 1994, à Avignon, Jouret et Dimambro organisent une réunion au cours de laquelle décision est prise de mettre fin à l'OTS et de créer un nouvel ordre pour redynamiser le mouvement. L'association Rose-Croix. Rien n'y fait, les tensions sont de plus en plus fortes. Alors les deux gourous passent à l'action. Mais il faut éliminer plusieurs membres à travers le monde. Ils chargent un adepte, Joël Eger, de partir au Canada pour liquider 5 fidèles. Puis début octobre, il lance le fameux transit vers Sirius, qu'il faut traduire par « mourir tous ensemble ». Il rédige un testament en 300 exemplaires que Patrick Varnet, l'un des fidèles de Dimambro, est chargé d'envoyer après la mort des membres de la secte et de ses gourous. Ce texte est livré à des personnalités importantes. L'un des testaments est même déposé au ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua, accompagné des passeports de Dimambro et de sa femme. En voici la teneur. Nous, serviteurs de la Rose-Croix, devant l'urgence de la situation présente, affirmons que nous refusons de participer au système mis en place par cette humanité décadente, que nous avons planifié en plein état de conscience et sans fanatisme aucun notre transit, qui n'est en rien un suicide au sens humain du terme, que selon un décret émanant de la grande loge blanche de Sirius, nous avons fermé et fait éclater volontairement tous les sanctuaires des maisons secrètes afin qu'ils ne soient pas profanés par des imposteurs et des ignorants. Que des plans où nous œuvrerons désormais et par une juste loi d'aimantation, nous serons à même de rappeler les derniers serviteurs capables d'entendre cet ultime message. Toute calomnie, mensonge ou médisance quant à notre geste ne feront que traduire une fois de plus le refus de comprendre et de pénétrer le mystère de la vie et de la mort. C'est avec un amour insondable, une joie ineffable et sans aucun regret que nous quittons ce monde. Homme, ne pleurez pas sur notre sort, mais pleurez sur le vôtre. Que notre amour et notre paix vous accompagnent dans les terribles épreuves de l'apocalypse qui vous attendent. En Retour sur les lieux du drame. Octobre 1994. Après la reconnaissance des corps, c'est confirmé, Joe DiMambro et Luc Jouret font bien partie des victimes du drame, tout comme Dominique Bellaton et l'enfant de DiMambro. Pendant un an et demi, le procureur suisse mène son enquête avec difficulté. Absence de moyens, complexité du dossier. Les Canadiens, de leur côté, concluent au non-lieu. Plusieurs hommes clés sont alors interrogés par la police suisse. Patrick Vernet, le fils de l'ancien champion de ski Jean Vernet, qui a porté les testaments. Jean-Pierre Larchandet, un inspecteur de police corrompu, suspecté d'avoir été chargé par DiMambro de trouver un exécuteur. Et puis Thierry Huguenin, ancien homme à tout faire de DiMambro, présent quelques heures avant le drame à Grand-sur-Salvant, mais qui s'en va à temps. Enfin et surtout, Michel Tabachnik, un chef d'orchestre suisse qui aurait participé à certaines conférences. Tous nient en bloc une quelconque participation. Aucune preuve, fin de l'histoire. L'enquête suisse conclut un suicide collectif et ne poursuit personne, estimant que les principaux responsables de ces crimes sont morts sur les lieux. Pourtant, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Que voulait dire, par exemple, cette phrase testamentaire ? Nous serons à même de rappeler les derniers serviteurs capables d'entendre ce message. Bonsoir, c'est donc sur le plateau du Vercors que les policiers ont découvert ce matin les corps de 16 personnes, dont 3 enfants, recherchés depuis une semaine. J'ai appelé une ancienne piste de ski, et au bout de quelques centaines de mètres, il y a une odeur vraiment anormale, une odeur de, je sais pas, de cuir brûlé ou de cheveux. Tout laisse à penser à un nouveau suicide collectif des membres de la secte du Temple solaire. Une odeur de fumée refroidie, comme ça, qui m'a choqué, qui m'a un peu impressionné. Une mise en scène macabre, tous les corps sont calcinés, ce qui ralentira l'identification des victimes. Les corps, en tout cas, sont dans une position qui donne à penser qu'ils ont été aspergés de liquide inflammable, alors qu'ils se trouvaient en cercle, assis. Également sur les lieux du drame, des armes de poing et des étuis correspondant à des armes plus importantes. Il est possible, je ne dis pas probable, mais possible simplement, que des armes à feu aient été utilisées. Il est possible qu'il y ait eu des blessures par balles. Le 23 décembre 1995, 16 nouvelles victimes sont donc retrouvées carbonisées en altitude dans le massif du Vercors, près de Grenoble, dans un lieu au nom évocateur, le Trou de l'Enfer. Comme les précédents massacres en Suisse, la plupart des victimes ont été droguées, puis assassinées à bout portant. Un foyer a ensuite été allumé sur les cadavres. Et qui retrouve-t-on parmi les victimes ? Jean-Pierre Larchandet, le policier français, suspecté d'avoir assassiné les autres adeptes avant de se suicider. Mais aussi Patrick Vernet et sa mère, Edith, des noms déjà évoqués lors du drame suisse. La responsabilité du dossier est alors confiée au juge Luc Fontaine. Immédiatement, il se rapproche des événements précédents en Suisse et au Canada. Il suit sa piste. Selon lui, il n'y a pas eu de suicide collectif. Non, il s'agit bien d'assassinat. Alors il relance l'enquête. Et petit à petit, tous les regards se tournent vers un homme qui a longtemps gravité autour de l'ordre du Temple solaire, mais qui a toujours refusé d'avouer son appartenance à la secte. Cet homme, c'est Michel Tabachnik. Ce chef d'orchestre suisse, mondialement connu et reconnu, ancien élève de Pierre Boulez, est cité depuis le début dans les drames liés à l'ordre du Temple solaire. D'ailleurs, ses déclarations nébuleuses ont toujours entretenu la suspicion. Voilà ce qu'il dit après les massacres dans le Vercors. Je n'appartiens pas à l'ordre du Temple solaire. Je n'ai jamais eu de carte de membre du Temple solaire. Je n'appartiens à aucun ordre, quel que ce soit. Cela dit, j'ai naturellement, si on me met en rapport avec cet ordre, c'est qu'il y en a. Ils sont les suivants. En l'occurrence, la dernière fois que j'ai eu affaire à cet ordre, c'est sur une invitation de l'ordre en juillet 94, en juillet 94, où j'ai donné 2 conférences comme invité. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, en 4 ans, ces gens m'ont vu 2 fois. Un certain nombre de témoignages, évidemment, aussi vous ont nommément accusé d'avoir participé à une réunion très importante. Vertement, n'est-ce pas ? Je sais que Luc Jouret, l'ancien grand maître, et DiMambro, naturellement, s'occupait de ces choses. Mais moi, activement, je n'ai jamais participé. Ce qui s'est passé naturellement aux yeux, j'imagine bien, parce que je vois tout à fait ce qui peut se passer, aux yeux des gens, des observateurs, c'est que m'ayant vu, à ce moment-là, invité dans pour faire cette conférence avec ces gens, se sont imaginés que... Mais en l'occurrence, non. Je ne suis même pas au courant de ce que vous me dites, là. Et pourtant, Michel Tabachnik est bien plus qu'un simple conférencier ponctuel. Déjà, il est présent lors de la réunion qui se tient à Avignon, peu avant les drames d'octobre 1994. C'est lui qui annonce la fin de l'OTS et le début des Rose-Croix. Bon, simple participation, dira-t-il. Peut-être, mais c'est sans compter des photos retrouvées tardivement, où l'on voit Tabachnik en toge participer à des cérémonies de la secte. Porter des capes, dans le cas suivant, comme j'ai toujours dit, j'ai donné des conférences au sein de l'Ordre du Temple solaire. Pour des conférences, on a besoin d'une cape? On n'a pas besoin forcément d'une cape. Preuve en est que quand j'ai donné mes conférences dans des hôtels, nous étions en costume-cravate. Par contre, j'ai quelquefois donné des conférences dans les commanderies de l'Ordre. À ce moment-là, l'Assemblée était en cape. Je trouvais normal que moi-même, je me mette par convention dans la même tenue que l'Assemblée. De simple conférencier, il devient compagnon de route. Il a par exemple assisté à la fameuse naissance de l'enfant cosmique. Il continue à nier toute responsabilité dans les drames de 1994 et 1995. Seulement, l'enquête se resserre. On découvre qu'il était là, dès l'origine, comme membre fondateur du Golden Way, premier groupe fondé par Dimambro. Et surtout, les enquêtes révèlent que son texte, les Archées, ont servi de référence au tournant ésotérique et apocalyptique de la secte. C'est dans ce texte que l'on parle pour la première fois du fameux transit vers Sirius, métaphore annonciatrice des drames. Le 1er juin 1996, le juge Luc Fontaine met en examen Michel Tabachnik. Son enquête dure 4 ans et demi. 4 ans qu'il passe à recouper tous les faits du Canada jusqu'à la France en passant par la Suisse. Il reprend l'affaire depuis le début et essaie de se frayer un chemin dans les zones d'ombre laissées par les précédentes enquêtes menées à la va-vite. Un exemple parmi d'autres, un an après le massacre en Suisse, deux journalistes de France 2 retournent sur les débris du chalet de Grange sur Salvant, resté pratiquement en l'état. Et sur quoi tombent-ils? Sur des cassettes audio dans une poubelle de la maison. Sur ces cassettes, rien de moins que des conversations entre les adeptes de la secte, quelques jours avant les massacres. Or, ces conversations témoignent des dissensions entre les membres. Comment est-il possible que les enquêteurs suisses ne les aient pas trouvées? Face à ces manquements, le juge Luc Fontaine, aidé par un seul enquêteur, construit son dossier. Sa motivation s'accroît et l'attente de l'opinion publique aussi, lorsque, le 22 mars 1997, à Saint-Casimir, au Canada, un nouveau drame se produit. 5 adeptes se donnent la mort, avec une mise en scène très proche des précédentes. 3 enfants en réchappent. Après des heures de tractation, ils négocient avec leurs parents de ne pas mourir avec eux. En juillet 2000, le juge Fontaine rend ses conclusions. Alors, suicide collectif ou pas ? Suicide collectif, le terme, à mon avis, est tout à fait inadapté parce qu'on ne se suicide pas de plusieurs balles de calibre 22 long rifle dans la tête. Il n'y a pas, dans l'affaire du Temple solaire, de suicide collectif. Un suicide collectif, ça ne veut rien dire. Et à supposer même que ça puisse exister, ça ne peut être qu'un assassinat collectif, par définition, puisque s'il est collectif, c'est qu'il est organisé et qu'il donc il y a assassinat. Les autorités judiciaires suisses ont rendu il y a déjà quelque temps un premier non-lieu dans cette affaire, que ce soit pour les crimes commis à Salvant et à Chéri. Les autorités canadiennes n'ont, à ma connaissance, enclenché aucune procédure qui aurait pu aboutir à quoi que ce soit. La procédure française est allée de toute façon beaucoup plus loin, en compréhension bien entendu de ce qui s'est passé dans le Vercors et en compréhension du phénomène, car il n'y a qu'une affaire du Temple solaire. Maintenant, dans les semaines qui viennent, je serai amené à rendre une ordonnance la plus complète possible et chacun pourra en tirer les conclusions qu'il souhaite. Et il envoie une demande de comparution de Michel Tabachnik devant le tribunal correctionnel de Grenoble. L'affaire est compliquée, il n'y a pas de preuves concrètes de sa participation au massacre. Et pourtant, il est bien plus lié à la secte qu'il n'a voulu le dire. Ses écrits ont eu une influence importante dans la fin tragique du Temple solaire, on l'a vu. Alors comment formuler l'accusation ? Réponse. Participation à une association de malfaiteurs en rédigeant et diffusant un enseignement doctrinal capable de conditionner les individus à créer une dynamique homicide. Chaque mot est pesé, réfléchi. C'est qu'il n'est pas simple de faire comparaître un homme dont les seules preuves contre lui sont des textes, quelques photos et une vérité à géométrie variable. Peu de preuves matérielles. Peut-on accuser un homme parce que ses écrits ont été mal interprétés? C'est toute la question. En revanche, les familles des victimes de Suisse et du Vercors, elles, attendent ce procès depuis des années. Un procès contre l'OTS, un procès pour comprendre, enfin. C'est un procès fleuve qui s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal de Grenoble. Durant 15 jours, on va tenter de disséquer les arcanes, le fonctionnement de la secte du Temple solaire. Une secte qui compte 74 victimes en France, en Suisse et au Canada. Seul accusé à l'issue de l'instruction menée par le juge Luc Fontaine, Michel Tabachnik, le chef d'orchestre suisse, il comparaîtra pour participation à une association de malfaiteurs. L'instruction du juge Fontaine, qui aura duré 4 ans, retient l'hypothèse d'un suicide collectif juifs organisés. De fait, il est reproché à Michel Tabachnik d'avoir rédigé, diffusé un enseignement destiné à créer une dynamique homicide. Enfin, on attend de ce procès médiatique des vertus pédagogiques en faisant découvrir au grand public comment des individus arrivent à manipuler des êtres fragiles et ce jusqu'à la mort. Le procès qui se tient du 17 au 27 avril 2001 est hors du commun. De nombreux témoins ne se présentent pas. Plusieurs adeptes viennent déposer pour défendre ce qu'ils appellent la fraternité et afficher leur soutien à Michel Tabachnik. Certains semblent apeurés. Une fidèle déclare même à la barre que les adeptes encore en vie n'ont qu'à bien se tenir. Un procès durant lequel Alain Vuarnet, dont la mère et le frère Patrick sont morts dans le Vercors, demande une minute de silence à la mémoire des victimes de l'OTS, fait rarissime dans un prétoire. Lundi 25 juin 2001, le verdict tombe, Michel Tabachnik est déclaré non coupable. Le grand procès de la secte de l'ordre du Temple solaire n'a pas eu lieu. Il laisse derrière lui de nombreuses zones d'ombre, des questions sans réponse et surtout des familles de victimes dans l'inconnu face à l'impossible deuil. Jean Vuarnet, qui a perdu sa femme et son fils, traduit bien ce sentiment constitué d'impuissance et d'injustice dans l'ouvrage qu'il a consacré au drame. Le moment est maintenant venu de m'adresser aux salopards, oui, aux salopards, qui ont assassiné Edith et Patrick, ou qui les ont poussés à se donner la mort, c'est pareil. À tous ces salopards, donc, je veux dire à quel point je les méprise, à quel point il était facile d'abuser des souffrances que traînait Edith depuis sa tendre enfance, de jeter le trouble dans l'esprit de mon fils, ce garçon qui rêvait de devenir un champion, mais qui, par faiblesse physique et morale, n'en avait sans doute pas l'étoffe. Messieurs les gourous, messieurs les chevaliers de je ne sais quoi, vous êtes des criminels. Vous avez détruit notre bonheur, mais de là où vous êtes, mort ou vivant, vous mourrez en face de vous. Temple solaire et les massacres qui l'accompagnent emportent avec lui de terribles secrets à l'image de ces événements qui dépassent l'entendement. Mais cette histoire permet aussi une prise de conscience à l'échelle nationale. Dès 1995, un rapport de la commission d'enquête parlementaire considère l'OTS comme une secte. La politique et la législation contre les mouvements sectaires se renforcent pour éviter de se retrouver face à cette terrible réalité qui fut celle de l'ordre du Temple solaire. 74 victimes, aucun coupable. Aimez-moi les uns les autres, n'ayez plus de retenue par la barbe de Jésus. Faites de moi un apôtre, aimez-moi les uns les autres, rangez toutes vos pudeurs, inondez-moi de bonheur, je vous pardonnerai mes fautes. Et devant vos bras noirs, ne chantez pas à ma gloire, je vous absous de toute prière. Un simple rire fera l'affaire, et le soir dans vos exutoires, vous retrouvez un peu d'espoir. Imaginez-moi en croisière, grâce à vos dons, mes bien chauffeurs. Faites de moi un dieu vivant, je n'ai pas d'autre commandement. Faites de moi un dieu vivant, couchez-moi sur vos testaments. Offrez-moi l'immortalité pour que je puisse boire à la vôtre. Êtes-vous dans vos placards qu'il existe quelque part un homme heureux qui pense à vous, entouré de saints bien doux? Oui, gardez cela en mémoire et reprenez une petite poire. Vous irez tous au paradis, rassurez-vous, je négocie. Faites de moi un dieu vivant, pas d'autre commandement. Faites de moi un dieu vivant, couchez-moi sur vos testaments. Affaire sensible sur France Inter, aujourd'hui l'ordre du Temple solaire. Notre invité Serge Faubert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, et vous vous êtes intéressé à la question des sectes, notamment à travers votre ouvrage, votre livre, Une secte au cœur de la République. Vous étiez également grand reporter à cette époque, hein, grand reporter à l'événement du jeudi, puis vous avez été rédacteur en chef de France Soir, au moment où ce journal se mettait à ressembler à quelque chose, avec des éditos assez vifs, et puis malheureusement il a mis la clé sous la porte, une sale histoire, toute fermeture de journal est une sale histoire de toute façon. Donc quel est votre souvenir personnel de cette affaire de la secte du Temple solaire? Vous étiez, je le rappelle, grand reporter à l'époque. Mais écoutez, c'était d'abord la stupéfaction, pour deux raisons. La première, c'est que l'OTS, personne ne connaissait. On n'avait absolument aucun signalement de ce groupe. En plus, le nom Temple solaire, on pense tout de suite à Tintin. Un peu, oui. Voilà, donc on se dit, c'est pas possible. Et puis, la deuxième surprise, ça a été que l'année précédente, en 1993, au Texas, à Waco, il y a le massacre des Davidiens. C'est cette secte qui se retranche dans son ranch, qui est assiégée par le FBI, et puis au bout d'un certain nombre de jours de siège, un incendie, et il y a 82-83 morts. Donc on se dit, c'est aux États-Unis, ça ne peut pas arriver en Europe. Hein. Les États-Unis, pays de la démesure, de la prolifération religieuse, de toutes les sectes, et puis tout à coup, nous, dans notre pays, en France, en Suisse, dans des pays rationnels, on ne verra jamais un pareil massacre. Et pourtant, on découvre avec stupéfaction que ce groupe, dont personne n'a quasiment entendu parler, hein, la seule mention, c'est dans une petite brochure de l'ADFI, Association de lutte contre les sectes, qui signale des agissements de l'OTS aux Antilles. Vous voyez, donc on est quand même loin de la Suisse. Donc on découvre, et puis des morts. Des morts. Ça, c'est la surprise pour tout le monde. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce groupe? Alors, on regarde et... Alors, depuis le début, je ne veux pas vous faire la leçon, mais vous utilisez le mot secte. Mmh. Je pose la question, est-ce que c'est un mot approprié en l'occurrence? Parce qu'on est en face d'un groupe, d'une structure qui n'est pas forcément une secte, qui appartient plutôt à ce qu'on appelle les sociétés secrètes, c'est-à-dire, il n'y a pas de volonté prosélyte, on vit dans la clandestinité, on se cache, on ne cherche pas forcément à recruter le voisin, et je dirais même que le profit n'est pas forcément le premier moteur de ce groupe. En réalité, on a affaire à un groupe, allez, on va les appeler des magiciens, des alchimistes. Mmh. Ils sont sincèrement convaincus qu'avec un certain nombre de rituels, ils vont arriver à transformer leur existence, le réel. Ils essaient de renouer avec des savoirs anciens. Et c'est pas un hasard, si vous regardez le parcours de Luc Jouret ou de Joseph Dimambro, ils viennent de très très loin. Ils ont fait à peu près toutes les chapelles de la maçonnerie de marge, hein, c'est-à-dire petites sociétés secrètes, para-néo-templières. Hein, ils sont passés à peu près partout. Ils n'ont vraiment pas de vue crapuleuse, franchement. L'argent vient après. Lorsqu'ils achètent des maisons, ces maisons sont conçues comme des centres de survie, des maisons de sécurité de la secte, dans la perspective de la fin du monde. Donc l'argent, bien sûr, ils vivent bien, ils vivent comme les cadres d'une grande entreprise, mais il n'y a pas une volonté d'accaparement de la fortune des autres, il y a un projet. Bon, pourtant la justice avait conclu à la secte, mais dit oui, on reconnaît comme une secte. Enfin, c'est pas que la justice, non, c'est pas la justice plus, dans le code pénal, il n'y a aucune définition de secte, hein. Bon, alors il y en a une en revanche, par mes vilude, mais on y reviendra un peu plus tard. On va écouter ensemble, Serge Faubert, le reportage de Gaylor Van Wimmer, notre reporter, qui a rencontré la présidente de l'UNLAFI, Association de Protection des Victimes de Sectes, elle s'appelle Catherine Picard. Alors, les victimes, la place des sectes en France, le prosélytisme, rapide tour d'horizon. Catherine Picard, présidente de l'UNLAFI et ancien député socialiste. Le travail sur les mouvements sectaires est un travail long. La première association de soutien de victimes est née en 1974. Il aura fallu X massacres, puisqu'il n'y a pas que celui du Temple solaire, il y a Guyana, il y a Waco. Le massacre a été le point d'orgue de cette connaissance du phénomène sectaire parce que ça pouvait arriver en France. Aujourd'hui, je ne sais pas si je me trompe en disant ça, les sectes ne font plus beaucoup l'actualité. Pourquoi ? Alors, Les mouvements sectaires sont un peu rentrés dans le paysage de tout un chacun. Pour autant, la parcellisation d'une multitude de petits mouvements les amène à être beaucoup plus protégés dans une forme d'anonymat et dans une forme de banalisation de leur action. Dans le domaine du bien-être, de la santé, essaye de pénétrer celui de la formation professionnelle sans qu'on s'en aperçoive directement. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est peut-être que les discours sont aussi excessifs, aussi fantaisistes, mais les mouvements se sont repliés sur une forme plus anonyme, plus déguisée, et non plus avec une bannière qui serait un nom d'association, une structure bien déterminée avec un chef, mais avec un maître à penser, avec un coach, avec un leader qui, lui, va être plutôt le diffuseur d'une doctrine. C'est ce qui nous manque, nous les êtres humains, c'est le chemin pour aller chercher les réponses à l'intérieur. Exemple d'un coach. Puisque toutes les réponses qui sont à l'intérieur sont les bonnes réponses pour nous. Le développement personnel. Mais ça demande un travail justement de profondeur, d'aller chercher, d'être à l'amour de soi, puisque finalement tout est là. Et le coach, c'est celui qui va accompagner, ça dire allez, allez, va chercher les réponses. Et quand la personne les trouve, c'est extraordinaire, extraordinaire. Écoutez. Pour trouver des nouveaux adhérents, les mouvements sectaires ont toujours des moyens de prosélytisme. Alors, dans les grandes organisations, ils ont les moyens de leurs ambitions parce qu'il y a énormément d'argent qui circule. Donc, le prosélytisme peut se faire de manière plus rationnelle, plus communicante. Des grands mouvements traditionnels sectaires, au bout de 40 ans, 50 ans d'existence, et inévitablement ont amassé des grandes fortunes. Là où on pourrait être peut-être plus attentif, c'est sur les flux de circulation de cet argent, pour voir que quand même une grande partie de cet argent transite par le Luxembourg, se retrouve sur des plateformes totalement défiscalisées et retourne à Manhattan directement. Donc il y a un circuit de cet argent avec des activités qui ne sont pas des activités tout à fait de l'ordre de la production. Donc multinationales sectaires en fait. Multinationales sectaires, oui oui, tout à fait. Et on pense à quelles organisations quand on dit ça? Bon, la Scientologie, puisqu'on en parle. Il y a une véritable organisation internationale avec un siège aux États-Unis, parce que n'oubliez pas quand même que derrière tout ça, il y a des parts de marché. Parts de marché sur le marché des, on va dire, la spiritualité. Sur le marché de la spiritualité, du bien-être, les mouvements sectaires s'adapteront tout à fait facilement sur d'autres domaines. Imaginez que la science et la religion se rencontrent. Imaginez que la technologie et la spiritualité se combinent. Maintenant, imaginez que tout ce que vous ayez jamais imaginé soit possible. La Scientologie. Il y a des états d'existence plus élevés. Le contexte aujourd'hui, avec la crise, les difficultés, les recherches, bien entendu, il est favorable à une forme de vulnérabilité, mais il est aussi le terrain d'expérimentation de ces mouvements, parce que ils ont très très bien saisi qu'il y avait des besoins qui s'exprimaient, qui n'étaient plus rendus soit par l'État, soit par le monde associatif, soit par tout ce qui compose le fait social. Ils s'infiltrent dans les failles qui sont celles de la peur, mais qui sont celles de l'inconfort, qui sont celles de l'incertitude. Et de ce fait, c'est un vrai bonheur que de s'infiltrer et de se poser là où il y a une béance. Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysme, un armageddon décrit au chapitre 7 de l'Apocalypse. Les crises économiques, les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famines, épidémies. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu. On peut considérer que le phénomène des sectes est un fléau social, qui est un facteur de rupture de cohésion sociale. Parce que notre pays n'est pas un pays communautariste. Ça n'est pas parce que vous êtes en communauté que vous avez des droits spécifiques. Vous répondez des mêmes droits que tout le monde, ce qui ne vous empêche pas d'être une communauté. Sauf que vous restez à votre place de communauté et vous respectez la loi. « le respect de la loi, justement, la loi, bon, on est globalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, Serge Robert. D'accord. Tout à fait. Alors, le point important, l'un des points importants, c'est la justice. On a vraiment l'impression que la justice n'arrive pas à se démêler de ce genre d'affaires. Bah, d'abord parce que c'est entouré de secrets, déjà. C'est pas facile. On le disait, 74 morts, pas de coupables. La justice a failli, la justice n'y arrive pas avec les sectes. Oui, en tout cas avec l'OTS, elle n'y est pas parvenue. À Grenoble, à travers le procès de Michel Tabachnik, on a voulu faire le procès des mots qui tuent. En gros, on a dit Michel Tabachnik, c'est l'instigateur intellectuel d'un crime, d'un massacre à huis clos. Et donc, on va faire la démonstration devant l'opinion que ces mots peuvent tuer et conduire à ce qu'un groupe... Et puis, on n'y est pas arrivé à faire cette démonstration. On n'y est pas arrivé parce que les écrits de Michel Tabachnik sont totalement hermétiques. Et même les adeptes qui sont venus à la barre ont dit « Nous, on n'y comprend rien ». Donc, on avait du mal à trouver une intention homicide déclarée à l'intérieur de ces textes. Ça, c'est la première difficulté. Puis, la deuxième difficulté, c'est qu'on la justice se laisse toujours un peu... Comment dire ? Paralysé par le discours de la secte sur elle-même, sans considérer, comme dans toute enquête criminelle, les faits. Si on prend le massacre du Vercors, c'est intéressant quand même. Sur la réalité des faits, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'incohérences dans le mode opératoire. On nous explique que les adeptes s'en vont la nuit, au mois de décembre, dans un massif quand même assez accidenté, et arrivent au trou d'enfer, et là, se donnent la mort, se recouvrent de bois, en plein milieu de la nuit, mettent le feu, etc. Bon, on a fait une reconstitution, la justice a procédé à une reconstitution avec des cochons revêtus de vêtements de ski pour voir si les circonstances du drame étaient reproductibles. Mmh. Eh bien, on n'y est pas parvenu, figurez-vous, parce qu'au bout d'une heure, la pluie s'est mise à tomber, elle a éteint le brasier, et les fameux cochons qui sont les plus proches du corps humain n'étaient pas dans l'état de calcination dans lequel on a retrouvé les cadavres. Deuxièmement, la grande question, c'est où est-ce qu'on trouve, à la mi-décembre, en plein milieu de la nuit noire, un tas de bois sec pour constituer un gigantesque brasier et tuer tout le monde. Moi, je n'écarte pas aujourd'hui encore la possibilité que d'autres adeptes, encore en liberté, encore en vie, soient venus donner un coup de main à ceux qui sont morts dans le Vercors. Et ça a été le cas lorsqu'on regarde la chronologie de l'ensemble des massacres du Temple solaire, on s'aperçoit toujours que c'est une partie de la secte qui va d'abord tuer les autres. À Chéri, ceux qui meurent à Chéri, les 25 personnes qui meurent dans le chalet de Chéri, sont tués par celles qui vont mourir à Salvan quelques heures plus tard. Et on s'aperçoit que ce sont toujours d'autres adeptes qui viennent tuer les précédents. Tantôt, ils les tuent avec des balles parce qu'ils sont considérés comme des traîtres à l'organisation, ou en tout cas en délicatesse avec l'organisation. Tantôt, ils bénéficient de l'absorption de médicaments qui vont les entraîner vers la mort parce que eux sont totalement consentants. Donc, dans le Vercors, la question reste ouverte. Vous savez, il y a 573 membres de l'ordre du Temple solaire. On a la liste, j'ai la liste. Ça s'appelle la liste du tailleur, c'est la liste de toutes les capes. Alors, on a les noms, les prénoms et les mensurations de l'ensemble des adeptes. Il y a eu 74 morts. Ça veut dire qu'il reste 500 adeptes dans la nature. 500. Parmi ces 500 adeptes, il y a la possibilité, je dis bien, il y a la possibilité qu'un certain nombre d'adeptes aient aidé volontairement, avec le consentement des autres peut-être, à commettre le crime du Vercors. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est un crime, c'est pas un suicide collectif. On a tué des gens, on a tué des enfants. Et donc, la justice n'a pas voulu faire la lumière, ou en tout cas ne s'est pas attachée à faire la lumière. Pourquoi elle veut faire la lumière sur d'autres et pas ça ? Parce que le juge Fontaine est parti sur une expertise qui fait remonter tout ça à 1952. Une gigantesque conspiration qui s'appelle la résurgence d'Argini, donc c'est la reconstitution d'un ordre templier en 1952, et qui, de structure en structure, serait arrivé à ce projet ultime, qui est finalement d'organiser un transit vers une autre dimension corporelle, ou une autre dimension d'existence, à travers la mort. Donc on a un rituel très codifié, il faut vraiment être dans certaines conditions, voilà. Donc il s'est laissé, je dirais, aveugler par l'idéologie de ce groupe, sans s'attacher aux circonstances factuelles du crime. Bien, alors, en parlant d'aveuglement, on a du mal à comprendre pourquoi des gens qui ont un niveau d'information important, d'instruction, une vision du monde, arrivent à se faire berner en entrant dans des sectes. Alors, il y a ceux qui ne sont pas bernés, qui vont... Mais il y a ceux qui se font berner aussi. Comment est-ce possible ? Mais enfin, quand vous êtes persuadé que vous allez revivre demain dans une autre vie, dans une autre existence, quand vous êtes en état d'urgence, quand vous vous dites, finalement... eh bien, cette vie-là, elle ne vaut pas la peine d'être vécue, il y a une vie meilleure qui m'attend ailleurs, quand vous en êtes persuadé, alors il y a un rapport à la mort qui change complètement. Et c'est ce qui s'est passé. Après tout, le moine bouddhiste qui s'immole et qui est persuadé qu'il va se réincarner dans un animal ou dans un autre corps... Et c'est pas une tête vide non plus. Pas une tête vide, il y a un consentement. D'accord. Très bien, alors on va parler un peu de l'église de Scientologie, car c'est la substance de votre livre, c'est peut-être la substance des sectes aujourd'hui, je ne sais pas. On va écouter ensemble un court reportage sur la Scientologie, extrait d'un reportage de France 3 qui remonte à l'année 1990. Le silence est le secret, deux règles principales que se fixent habituellement les sectes. Pourtant, hier après-midi, au cœur de Paris, l'église de Scientologie ouvrait ses portes en quête de respectabilité. Aussitôt, réaction des associations de défense des familles et de l'individu, elles manifestaient contre les abus de cette secte. Construire une façade respectable, tel est le but de l'église de Scientologie, avec cette journée porte ouverte. Entreprise difficile en raison des nombreux scandales qui ont éclaboussé cette secte depuis plusieurs années. Avec ses 5 millions d'adeptes dans le monde, l'église de Scientologie est une multinationale dont le but avoué est de créer un monde meilleur et dont le but caché est avant tout de faire de l'argent. J'ai perdu environ 200 000 francs, j'ai perdu ma boutique, j'ai perdu mon appartement et puis bon, bah, puis tout le reste. La Scientologie l'a remboursé de 80 000. Voilà, j'ai eu un remboursement de 85 000 et quelque chose et j'ai compris ce qu'était en fait... De quoi j'étais victime, et c'est de la manipulation tout simplement, et de la manipulation mentale. En créant des centres d'accueil pour drogués, narconones, des cours de rattrapage scolaire, cette église puise là son véritable public et à pignon sur rue. Malgré ses structures, sa puissance, elle reste une secte qui spécule sur l'angoisse des gens. Serge Faubert, l'église de Scientologie est-elle la secte la plus puissante aujourd'hui? On va ramener ça à la France, hein, si vous voulez bien. En France, non. Non. En France, non. Elle a du plomb dans l'aile, et je dirais elle a du plomb dans l'aile essentiellement à cause des défections qui se sont produites aux États-Unis dans les plus hauts niveaux de la secte, puisque il y a eu un certain nombre de scandales et d'apostats, comme diraient les scientologues, qui ont révélé le fonctionnement interne de la secte, et ces défections qui se sont enchaînées ont mis à mal et la réputation de l'église de Scientologie, et partant son audience en France. Voilà. Et puis en France, c'est vrai qu'elle a été, et elle est identifiée comme l'exemple même de la secte, et donc, je veux dire, aujourd'hui, ces faux-nez, ces masques, ces succursales sont clairement répertoriées, identifiées comme telles, et elle a beaucoup plus de mal à abuser les adeptes. Et ailleurs dans le monde, elle reste puissante ici et là ou pas, non, comme en France? Ça reste une structure internationale, ça reste une structure active qui draine des fonds financiers importants. Je dirais qu'elle n'est pas au mieux de sa forme par rapport à ce qu'elle a pu être il y a encore 10 ans. Voilà. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, d'un certain point de vue, en tout cas pour les consciences libres et éclairées. Maintenant, il ne faut jamais jurer de rien, et elle peut rebondir. Hein. Bien sûr, et d'autres sectes. Alors aujourd'hui, on a l'impression que c'est un phénomène en reflux, on en parle moins, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. On a aujourd'hui encore des sectes puissantes en France. Des sectes sur le modèle de la multinationale, moins. Aujourd'hui, on est, je dirais, à la start-up, la mode, hein, je dirais, c'est assez amusant ce mimétisme entre l'économie et le phénomène sectaire, mais c'est vrai que la start-up et la très petite entreprise marchent beaucoup mieux que la multinationale. Et donc, en plus, on a des structures assez évanescentes où on a une personnalité qui va fédérer un certain nombre d'adeptes et puis ensuite on va passer à autre chose. Voilà. Avec des pointes. Hein. Par exemple, on a eu la crainte de la fin du monde à Bugarache voici 2 ans. Où on s'attendait, bon, finalement, personne n'est venu à Bugarache, mais il y a aussi un courant survivaliste qui se développe dans certains endroits des Pyrénées. On construit des maisons de sécurité pour attendre la fin du monde, donc on rachète des hameaux de villages, et puis en dessous, on creuse des abris bétonnés, voilà, et puis on se fait démasquer par la gendarmerie qui passe en hélicoptère, on est condamné à casser le bunker, voilà. Donc il y a eu quelques exemples comme ça. On est plutôt dans ce genre de micro-sectes, un peu éphémères, un peu souple, où on gruge un certain nombre d'adeptes, et puis ensuite, une fois qu'on a fini son opération, on s'en va un peu plus loin, recréer une autre structure. Et puis vous avez remarqué que quand on passe à Castellane maintenant, on ne voit plus la statue du Mandarome. Bon, c'est un signe. Hein. Tout à fait, mais ça a été longtemps un des emblèmes des sectes sectes folkloriques, voilà. Oui, mais enfin quand même, c'était quand même sur un lieu, on va dire, la montagne est un lieu public, hein, finalement. Donc il y avait quelque chose, il y avait quand même un symbole qui était fort. Bon, j'imagine que l'affaire de l'ordre du Temple solaire a permis une vraie prise de conscience du danger des sectes. Dommage qu'il ait fallu aller jusqu'à un tel drame. Alors, je rappelle quand même, pour terminer l'émission, il nous reste 45 secondes, la définition que donne l'ami Vilude, donc vigilance contre les sectes, hein, par rapport aux sectes. Pour être une secte, il y a 8 critères. Déstabilisation mentale, caractère exorbitant des exigences financières, rupture avec l'environnement d'origine, existence d'atteinte à l'intégrité physique, embrigadement des enfants, discours antisocial, troubles à l'ordre public, importance des démêlés judiciaires, éventuel détournement des circuits économiques traditionnels, et on ajoute tentative d'infiltration des pouvoirs publics. Là, ce sont donc les indicateurs officiels concernant les sectes. Il me reste à vous remercier, Serge Faubert, pour avoir accepté cette invitation et nous avoir donné vos éclairages passionnants. Au revoir, à bientôt. Au revoir.